Sophonisbe de Pierre Corneille. Une réalisation de Michel Sidoroff. D'après la mise en scène de Brigitte Jacques Vajman. Avec Aurore Paris, Malvina Morisseau, Bertrand Suarez-Pazos, Pascal Bécard, Marion Lambert, Thibaut Pernoux, Marc Arnaud, Sophie Dole, Éric Jacobiac, Anthony Audou, Yacine Haït Benassi. Secours. Le siège était formé, s'il eût tardé deux jours. Les travaux commencés allaient à force ouverte tracer autour des murs l'ordre de votre perte. Et l'orgueil des Romains se promettait l'éclat d'asservir par leur prise et vous et tout l'État. Syphax a dissipé par sa seule présence de leur ambition la plus fière espérance. Ses troupes, se montrant au lever du soleil, ont de votre ruine arrêté l'appareil. À peine une heure ou deux, elles ont pris haleine, qu'il les range en bataille au milieu de la plaine. L'ennemi fait de même, et l'on voit des deux parts, nos sillons hérissés de piques et de dards. Et l'une et l'autre armée étalent même audace, égale ardeur de vaincre, et pareille menace. L'avantage du nombre est dans notre partie. Ce grand feu des Romains en paraît ralenti. Du moins de l'Hélius, la prudence inquiète, sur le point du combat, nous envoie un trompette. On le mène à Syphax, à qui, sans différer, de sa part, il demande une heure à conférer. Les otages reçus pour cette conférence, au milieu des deux camps, l'un et l'autre s'avancent. Et si le ciel répond à nos communs souhaits, le chant de la bataille enfantera la paix. Voilà ce que le roi m'a chargé de vous dire, et que de tout son cœur à la paix il aspire, pour ne plus perdre aucun de ces moments si doux que la guerre lui vole en l'éloignant de vous. Le roi m'honore trop d'une amour si parfaite. Dites-lui que j'aspire à la paix qu'il souhaite, mais que je le conjure en cet illustre jour de penser à sa gloire encore plus qu'à l'amour. Madame, où j'entends mal une telle prière où vos vœux pour la paix n'ont pas votre âme entière. Vous devez pourtant craindre un vainqueur irrité. J'ai fait à Massinis une infidélité. Accepté par mon père et nourri dans Carthage, tu vis en tous les deux l'amour croître avec l'âge. Il porta dans l'Espagne mon cœur et ma foi, mais durant cette absence, on disposa de moi. J'immolai ma tendresse au bien de ma patrie. Pour lui gagner Syphax, j'eus immolé ma vie. Il était aux Romains et je l'en détachais. J'étais à Massinis et je m'en arrachais. J'en eus de la douleur, j'en sentis de la gêne, mais je servais Carthage et m'en revoyais reine. Car afin que le change eût pour moi quelque appât, Syphax de Massinis envahit les états et mettait à mes pieds l'une et l'autre couronne quand l'autre était réduite à sa seule personne. Ainsi, contre Carthage et contre ma grandeur, tu me vis n'écouter ni ma foi, ni mon cœur. Et vous ne craignez point qu'un amant ne se venge, s'il faut qu'en son pouvoir, sa victoire vous range? Nous vaincrons, Herminie, et nos destins jaloux voudront faire à leur tour quelque chose pour nous. Mais si de ce héros je tombe en la puissance, peut-être aura-t-il peine à suivre sa vengeance? Et que ce même amour qu'il m'a plu de trahir ne se trahira pas jusque à me haïr. Jamais à ce qu'on aime on impute d'offense. Quelque doux souvenir prend toujours sa défense, l'amant excuse, oublie, et son ressentiment a toujours, malgré lui, quelque chose d'amant. Je sais qu'il peut s'aigrir quand il voit qu'on le quitte, par l'estime qu'on prend pour un autre mérite, mais lorsqu'on lui préfère un prince à cheveux gris, ce choix fait sans amour et pour lui sans mépris, j'ai donc peu de sujet de craindre Massinis. J'en ai peu de vouloir que la guerre finisse. J'espère en la victoire, ou du moins en l'appui, que son reste d'amour me saura faire en lui. Mais le reste du mien, plus fort qu'on ne présume, trouvera dans la paix une prompte amertume, et d'un chagrin secret, la sombre et dure loi m'y fait voir des malheurs qui ne sont que pour moi. J'ai peine à concevoir que le ciel vous envoie des sujets de chagrin dans la commune joie, et par quel intérêt un tel reste d'amour vous fera des malheurs en ce bienheureux jour. Ce reste ne va point à regretter sa perte, dont je prendrai encore l'occasion offerte, mais il est assez fort pour devenir jaloux de celle dont l'appel doit faire l'époux. Eryx, ma captive, Eryx, cette reine, qui des Gétuliens naquit la souveraine, eut aussi bien que moi des yeux pour ses vertus, et trouva de la gloire à choisir mon refus. Ce fut pour empêcher ce fâcheux Hyménée que Syphax fit la guerre à cet infortuné, la surprit dans sa ville, et fit en ma faveur ce qu'il n'entreprenait que pour venger sa sœur. Car tu sais qu'il l'offrit à ce généreux prince, et lui voulut pour dot remettre sa province. Je comprends encore moins. Que vous peut importer à laquelle des deux il daigne s'arrêter? Ce fut, s'il m'en souvient, votre prière expresse qui lui fit par Syphax offrir cette princesse. Et je ne puis trouver matière à vos douleurs dans la perte d'un cœur que vous donniez ailleurs. Je le donnais, ce cœur où ma rivale aspire. Ce don, s'il eût souffert, eût marqué mon empire, eût montré qu'un amant, si maltraité par moi, prenait encore plaisir à recevoir ma loi. Après m'avoir perdu, il aurait fait connaître qu'il voulait mettre encore tout ce qu'il pouvait mettre, se rattacher à moi par les liens du sang et tenir de ma main la splendeur de son rang. Mais s'il épouse Eryx, il montre un cœur rebelle, qui me néglige autant qu'il veut brûler pour elle, qui brise tous mes fers et brave hautement l'éclat de sa disgrâce et de mon changement. Je veux donc, s'il se peut, que l'heureux Massinis prenne tout autre hymen pour un affreux supplice, qu'il m'adore en secret, qu'aucune nouveauté n'ose le consoler de ma déloyauté, ne pouvant être à moi qu'il ne soit à personne, qu'il souffre du moins que mon seul choix le donne. Je veux penser encore que j'en puis disposer, et c'est de quoi la paix me va désabuser. Juge si j'aurai lieu d'en être satisfaite, et par ce que je crains, vois ce que je souhaite. Mais Eryx déjà commence mon malheur, et me vient par sa joie avancer ma douleur. Madame, une captive oserait-elle prendre quelque part au bonheur que l'on nous vient d'apprendre? Le bonheur n'est pas grand tant qu'il est incertain. On me dit que le roi tient la paix en sa main, et je n'ose douter qu'il ne l'ait résolue. Pour être proposée, elle n'est pas conclue. Et les grands intérêts qu'il y faut ajuster demandent plus d'une heure à les bien concerter. Alors que des deux chefs la volonté conspire? Que sert la volonté d'un chef qu'on peut dédire? Il faut l'aveu de Rome, et que d'autre côté, le Sénat de Carthage accepte le traité. Lélius le propose, et l'on ne doit pas croire qu'au désaveu de Rome, il hasarde sa gloire. Quant à votre Sénat, le roi n'en dépend point. Le roi n'a pas une âme infidèle à ce point. Il sait à quoi l'honneur, à quoi sa foi l'engage, et je l'en dédirais s'il traitait sans Carthage. On ne m'avait pas dit qu'il fallût votre aveu. Quand vous l'ayez dit ou non, il m'importe assez peu. Mais enfin, à la paix, donnez votre suffrage, et je vous répondrai de celui de Carthage. Avez-vous en ces lieux quelque commerce? Aucun. D'où le savez-vous donc? D'un peu de sens commun. On y doit être las de perdre des batailles, et d'avoir à trembler pour ses propres murailles. Rome nous aurait donc appris l'art de trembler? Hannibal! Hannibal a pensé l'accabler, mais ce temps-là n'est plus, et la valeur d'un homme... On ne voit point d'ici ce qui se passe à Rome. En ce même moment, peut-être Cannibale lui fait tout de nouveau craindre un assaut fatal, et que c'est pour sortir enfin de ses alarmes que Rome fait parler de mettre bas les armes. Ce serait pour Carthage un bonheur signalé. Mais madame, les dieux vous l'ont-ils révélé ? À moins que de leur voix l'âme la plus crédule d'un miracle pareil ferait quelque scrupule. De miracles pareils arrivent quelquefois. J'ai vu Rome en état de tomber sous nos lois. La guerre est journalière et sa vicissitude laisse tout l'avenir dedans l'incertitude. Le passé le prépare et le soldat vainqueur porte au nouveau combat plus de force et de cœur. Et si j'en étais cru, on aurait le courage de ne rien écouter sur ce désavantage et d'attendre un succès hautement emporté qui remit notre gloire en plus d'égalité. On pourrait fort attendre. Et durant cette attente, vous pourriez n'avoir pas l'âme la plus contente. J'ai déjà grand chagrin de voir que de vos mains mon sceptre a su passer en celle des Romains. Et qu'aujourd'hui, de l'air dont s'y prend Massinis, le vôtre a grand besoin que la paix l'affermisse. Quand de pareils chagrins voudront paraître au jour, si l'honneur vous est cher, cachez tout votre amour. Et voyez à quel point votre gloire est flétrie d'aimer un ennemi de sa propre patrie qui sert des étrangers, dont par un juste accord, il pouvait nous aider à repousser l'effort. Dépouillé par votre ordre ou par votre artifice, il sert vos ennemis pour s'en faire justice. Mais si de les servir, il doit être honteux. Si Fax sert comme lui des étrangers, comme eux. Si nous les voulions tous bannir de notre Afrique, il faudrait commencer par votre République et renvoyer à Tyr d'où vous êtes sortis ceux par qui nos climats sont presque assujettis. Nous avons lieu d'avoir pareille jalousie des peuples de l'Europe et de ceux de l'Asie. Ou si le temps a pu vous naturaliser, le même cours du temps les peut favoriser. J'ose vous dire plus, si le destin s'obstine à vouloir qu'en ces lieux leur victoire domine, comme vos Tyriens passent pour Africains, au milieu de l'Afrique il naîtra des Romains. Et si de ce qu'on voit nous croyons le présage, il en pourra bien être au milieu de Carthage, pour qui notre amitié n'aura rien de honteux et qui sauront passer pour Africains comme eux. Vous parlez un peu haut. Je suis amante et reine. Et captive de plus. On va briser ma chaîne, et la captivité ne peut abattre un cœur qui se voit assuré de celui du vainqueur. Il est tel dans vos fers que sous mon diadème. N'outragez plus ce prince, il a ma foi, je l'aime. J'ai la sienne et j'en sais soutenir l'intérêt. Du reste, si la paix vous plaît ou vous déplaît, ce n'est pas mon dessein d'en pénétrer la cause. La bataille et la paix sont pour moi même chose. L'une ou l'autre, aujourd'hui, finira mes ennuis. Mais l'une vous peut mettre en l'état où je suis. Je pardonne au chagrin d'un si long esclavage qui peut avec raison vous aigrir le courage et voudrait vous servir malgré ce grand courroux. Craignez que je ne puisse en dire autant de vous. Mais le roi vient. Adieu. Je n'ai pas l'imprudence de m'offrir pour troisième à votre conférence. Et d'ailleurs, s'il vous vient demander votre aveu, soit qu'il l'obtienne ou non, il m'importe fort peu. Eh bien, Seigneur, la paix, l'avez-vous résolue ? Vous en êtes encore la maîtresse absolue. Madame, et je n'ai pris trêve pour un moment qu'afin de tout remettre à votre sentiment. On m'offre le plein calme. On m'offre de me rendre ce que dans mes états la guerre a fait surprendre, l'amitié des Romains que pour vous j'ai trahi. Et que vous offre-t-on, Seigneur, pour mon pays ? Loin d'exiger de moi que j'y porte mes armes, on me laisse aujourd'hui tout entière à vos charmes. On demande que, neutre en ces dissensions, je laisse aller le sort de vos deux nations. Et ne pourrait-on point vous en faire l'arbitre ? Le ciel semblait m'offrir un si glorieux titre. Alors qu'on vit dans Sirte entrer d'un pas égal, d'un côté Scipion et de l'autre Hasdrubal. Je vis ces deux héros, jaloux de mon suffrage, le briguer l'un pour Rome et l'autre pour Carthage. Je les vis à ma table. et sur un même lit. Et comme ami commun, j'aurais eu tout crédit. Votre beauté, madame, emporta la balance. De Carthage pour vous, j'embrassais l'alliance. Et comme on ne veut point d'arbitre intéressé, c'est beaucoup au vainqueur d'oublier le passé. En l'état où je suis, deux batailles perdues. Mes villes, la plupart surprises ou rendues. Mon royaume, d'argent et d'hommes affaiblis. C'est beaucoup de me voir tout d'un coup rétabli. Je reçois sans combat le prix de la victoire. Je rentre sans péril en ma première gloire. Et ce qui plus que tout a lieu de m'être doux, il m'est permis enfin de vivre auprès de vous. Quoi que vous résolviez, c'est à moi d'y souscrire. J'oserais toutefois m'enhardir à vous dire qu'avec plus de plaisir je verrais ce traité si j'y voyais pour vous ou gloire ou sûreté. Mais Seigneur, m'aimez-vous encore? Si je vous aime? Oui, m'aimez-vous encore, Seigneur. Plus que moi-même. Si mon amour égal rend vos jours fortunés, vous souvient-il encore de qui vous le tenez? De vos bontés, madame. Cessez, je vous prie, de faire en ma faveur outrage à ma patrie. Un autre avait le choix de mon père et le mien, et le seul pour vous rompit ce doux lien. Je brûlais d'un beau feu, je promis de l'éteindre, j'ai tenu ma parole, et j'ai su m'y contraindre. Mais vous ne tenez pas, Seigneur, à vos amis, ce qu'acceptant leur don, vous leur avez promis, et pour ne pas user vers vous d'un mot trop rude, vous montrez pour Carthage un peu d'ingratitude. Quoi, vous qui lui devez ce bonheur de vos jours, vous, que mon Hyménée engage à son secours, vous, que votre serment attache à sa défense, vous manquez de parole et de reconnaissance, et pour remerciement de me voir en vos mains, vous la livrez vous-même en celle des Romains? Vous brisez le pouvoir dont vous m'avez reçu et je serai le prix d'une amitié rompue? Moi, qui pour en étreindre à jamais les grands nœuds et d'un amour si juste éteint les plus beaux feux, moi, que vous protestez d'aimer plus que vous-même? Ah, Seigneur, le dirais-je, est-ce ainsi que l'on m'aime? Si vous m'aimiez, madame, il vous serait bien doux de voir comme je veux ne vous devoir qu'à vous. Vous ne vous plairiez pas à montrer dans votre âme les restes odieux d'une première flamme, d'un amour dont l'hymen qu'on a vu nous unir devrait avoir éteint jusque aux souvenirs. Vantez-moi vos appâts! Montrez avec courage ce prix impérieux dont m'achète Carthage! Avec tant de hauteur, prenez son intérêt, qu'il me faille en esclave agir comme il lui plaît. Au moindre soin des miens, traitez-moi d'infidèle et ne me permettez de régner que sous elle. Mais épargnez ce comble au malheur que je crains d'entendre aussi vanter ces beaux feux mal éteints et de vous en voir l'âme encore toute obsédée. En ma présence même, en caresser l'idée. Je m'en souviens, Seigneur, lorsque vous oubliez quel vœu mon changement vous a sacrifié. Et saurai l'oublier quand vous ferez justice à ceux qui vous ont fait un si grand sacrifice. Au reste, pour ouvrir tout mon cœur avec vous, je n'aime point Carthage à l'égal d'un époux. Mais bien que moins soumise à son destin qu'au vôtre, je crains également et pour l'un et pour l'autre. Et ce que je vous suis ne saurait empêcher que le plus malheureux ne me soit le plus cher. Jouissez de la paix qui vous vient d'être offerte. Tandis que j'irai plaindre et partager sa perte, j'y mourrai sans regret. Si mon dernier moment vous laisse en quelque état de régner sûrement, mais Carthage détruite, avec quelle apparence vous aurez-vous gardé cette fausse espérance? Rome qui vous redoute et vous flatte aujourd'hui, vous craindra-t-elle encore, vous voyant sans appui? Elle qui de la peine jette les amorces que par le seul besoin de séparer nos forces et qui dans Massigny, ses voisins et jaloux, aura toujours de quoi se brouiller avec vous. Tous deux vous devront tout. Carthage abandonnée vaut pour l'un et pour l'autre une grande journée. Mais un esprit aigri n'est jamais satisfait qu'il n'ait vengé l'injure en dépit du bienfait. Pensez-y. Votre armée est la plus forte en nombre. Les Romains ont tremblé dès qu'ils en ont vu l'ombre. Utique, à l'assiéger, retient leur Scipion. Un temps bien pris peut tout presser l'occasion. De ce chef éloigné, la valeur peu commune. Peut-être à sa personne attache leur fortune. Il tient auprès de lui la fleur de leurs soldats. En tout événement, sire te vous tend les bras. Vous tiendrez et longtemps dedans cette retraite. Mon père, cependant, répare sa défaite. Hannon a de l'Espagne à mener du secours. Hannibal vient lui-même ici dans peu de jours. Si tout cela vous semble un léger avantage, renvoyez-moi, seigneur, me perdre avec Carthage. J'y périrai sans vous, vous régnerez sans moi. Vous préserve le ciel de ce que je prévois. Et daigne son courroux, me prenant seul en but, m'exenter par ma mort de pleurer votre chute. À des charmes si forts, joindre celui des pleurs. Soulevez contre moi ma gloire et vos douleurs, c'est trop, madame, il faut vous satisfaire. Le plus grand des malheurs serait de vous déplaire. Et tous mes sentiments veulent bien se trahir à la douceur de vaincre ou de vous obéir. La paix eut sur ma tête assurée ma couronne. Il faut la refuser, Sophonisbe l'ordonne. Il faut servir Carthage et hasarder l'État. Mais que deviendrez-vous si je meurs au combat? Qui sera votre appui si le sort des batailles vous rend un corps sans vie au pied de nos murailles? Je vous répondrai bien qu'après votre trépas, ce que je deviendrai ne vous regarde pas. Mais j'aime mieux, seigneur, pour vous tirer de peine, vous dire que je sais vivre et mourir en reine. N'en parlons plus, madame. Adieu, pensez à moi. Et je saurai pour vous vaincre ou mourir en roi. Quel désordre, Barcée, ou plutôt quel supplice, m'a prêté la victoire à revoir ma sinice, et que de mon destin l'obscure trahison sur mes souhaits remplis à verser de poison. Syphax est prisonnier, Cirte tout est perdu, à ce triste spectacle aussitôt s'est rendu. Sophonisbe, en dépit de toute sa fierté, va gémir à son tour dans la captivité. Le ciel finit la mienne, et je n'ai plus de chaîne que celle qu'avec gloire on voit porter aux reines. Et lorsqu'au même fer je crois voir mon vainqueur, je doute en le voyant si j'ai part en son cœur. En vain la patience à le chercher m'emporte, en vain de ce palais je cours jusqu'à la porte, et m'ose figurer en cet heureux moment sa flamme impatiente et forte également. Je l'ai vu, mais surpris, mais troublé de ma vue. Il n'était point lui-même alors qu'il m'a reçu. Et ses yeux égarés marquaient un embarras à faire assez juger qu'il ne me cherchait pas. J'ai vanté sa victoire et je me suis flattée, jusqu'à m'imaginer que j'étais écoutée. Mais quand, pour me répondre, il s'est fait un effort, son compliment au mien n'a point eu de rapport. Et j'ai trop vu par là qu'un si profond silence attachait sa pensée ailleurs qu'à ma présence. Et que l'emportement d'un entretien secret sous un front attentif cachait l'esprit distrait. Les soins d'un conquérant vous donnent trop d'alarme. C'est peu que devant lui, Cirte ait mis bas les armes. qu'elle se soit rendue et qu'un commun effroi l'ait fait à tout son peuple accepter pour son roi. Il lui faut s'assurer des places et des portes. Pour en demeurer maître, y poster ses cohortes, ce devoir se préfère aux soucis les plus doux. Et s'il en était quitte, il serait tout à vous. Il me l'a dit lui-même alors qu'il m'a quittée. Mais j'ai trop vu d'ailleurs son âme inquiétée. Et de quelque couleur que tu couvres ses soins, sa nouvelle conquête en occupe le moins. Sophonisbe en un mot, et captive et pleurante, l'emporte sur Éric, ses reines et triomphante. Et si je m'en rapporte à l'accueil différent, sa disgrâce peut plus qu'un sceptre qu'on me rend. Tu l'as pu remarquer du moment qu'il l'a vue, ses troubles ont cessé, sa joie est revenue. Ses charmes à Carthage, autrefois adorés, ont soudain réuni ses regards égarés. Tu l'as vu étonnée et tout ensemble altière, lui demander l'honneur d'être sa prisonnière, le prier fièrement qu'elle pût en ses mains éviter le triomphe et les fers des Romains. Son orgueil, que ses pleurs semblaient vouloir dédire, trouvait l'art en pleurant d'augmenter son empire et sûr du succès dont cet art répondait. Elle le priait bien moins qu'elle ne commandait. Aussi, sans balancer, il a donné parole qu'elle ne saurait point traîner au Capitole, qu'il en saurait trouver un moyen assuré. En lui tendant la main sur l'heure, il l'a juré et n'eût pas borné là son ardeur renaissante. Mais il s'est souvenu qu'enfin j'étais présente et les ordres qu'aux siens il avait à donner ont servi de prétexte à nous abandonner. Que dis-je, pour moi seule, affectant cette fuite, jusqu'au fond du palais des yeux il l'a conduite. Et si tu t'en souviens, j'ai toujours soupçonné que cet amour jamais ne fut déraciné. Chez moi, dans Iarbé, où le mien trop facile prêtait à sa déroute un favorable asile, détrôné, vagabond et sans appui que moi, quand j'ai voulu parler contre ce cœur sans foi et qu'à cet infidèle, imputant sa misère, j'ai cru surprendre un mot de haine ou de colère. Jamais son feu secret n'a manqué de détour pour me forcer moi-même à changer de discours. Ou si je m'obstinais à le faire répondre, j'en tirais pour tout fruit de quoi mieux me confondre, et je n'en arrachais que de profonds hélas, et qu'enfin son amour ne la méritait pas. Juge par ses soupirs que produisait l'absence ce qu'alors entrevue a produit la présence. Elle a produit sans doute un effet de pitié, où se mêle peut-être une ombre d'amitié. Vous savez qu'un cœur noble est vraiment magnanime quand il bannit l'amour, aime à garder l'estime, et que, quoique offensé par le choix d'un mari, il n'insulte jamais à ce qu'il a chéri. Mais quand bien vous auriez tout lieu de vous en plaindre, Sophonisbe, après tout, n'est point pour vous à craindre. Eût-elle tout son cœur, elle l'aurait en vain, puisqu'elle est hors d'état de recevoir sa main. Il vous la doit, madame. Il me la doit, Barcé. Mais que sert une main par le devoir forcé? Et qu'en aurait le don pour moi de précieux s'il faut que son esclave ait son cœur à mes yeux? Je sais bien que des rois la fière destinée souffrent peu que l'amour règle leur hyménée et que leur union, souvent pour leur malheur, n'est que du sceptre au sceptre et non du cœur au cœur. Mais je suis au-dessus de cette erreur commune. J'aime en lui sa personne autant que sa fortune, et je n'en exigeais qu'il reprît ses états que de peur que mon peuple en fît trop peu de cas. J'aime donc ma Cynisse, et je prétends qu'il m'aime. Je l'adore et je veux qu'il m'adore de même. Et pour moi son hymen serait un long ennui s'il n'était tout à moi comme moi tout à lui. Ne t'étonne donc point de cette jalousie dont à ce froid abord mon âme s'est saisie. Laisse-la moi souffrir sans me la reprocher. Serre-la si tu le peux et m'aide à la cacher. pour juste aux yeux de tous qu'en puisse être la cause. Une femme jalouse à sans mépris s'expose. Plus elle fait de bruit, moins on en fait d'état, et jamais ses soupçons n'ont qu'un honteux éclat. Je veux donner aux miens une route diverse. À ces amants suspects, laisser libre commerce, d'un œil indifférent en regarder le cours, fuir toute occasion de troubler leur discours, et d'un hymen douteux éviter le supplice, tant que je douterai du cœur de Massinis. Le voici, nous verrons par son empressement si je me suis trompée en ce pressentiment. Enfin! Maître absolu des murs et de la ville, je puis vous rapporter un esprit plus tranquille, madame, et voir céder en ce reste du jour les soins de la victoire aux douceurs de l'amour. Je n'aurai plus de lieu d'aucune inquiétude, n'était que je ne puis sortir d'ingratitude. Et que dans mon bonheur, il n'est pas bien en moi de m'acquitter jamais de ce que je vous dois. Les forces qu'en mes mains vos bontés ont remises vous ont laissé en proie à de lâches surprises et me rendaient ailleurs ce qu'on m'avait ôté tandis qu'on vous ôtait et sceptre et liberté. Ma première victoire a fait votre esclavage, celle-ci qui le brise est encore votre ouvrage. Mes bons destins par vous ont eu tout leur effet et je suis seulement ce que vous m'avez fait. Que peut donc tout l'effort de ma reconnaissance, lorsque je tiens de vous ma gloire et ma puissance, et que vous puis-je offrir que votre propre bien quand je vous offrirai votre sceptre et le mien? Quoi qu'on puisse de voir aisément on s'acquitte, Seigneur, quand on se donne avec tant de mérite, c'est un rare présent qu'un véritable roi qu'a rendu sa victoire enfin digne de moi. Si dans quelque malheur pour vous je suis tombée, nous pourrons en parler un jour dans Iarbé. Quand on nous y verra dans un rang souverain, la couronne à la tête et le sceptre à la main. Ici, nous ne savons encore ce que nous sommes. Je tiens tout fort douteux tant qu'il dépend des hommes. Et n'ose m'assurer que les Romains jaloux consentent l'union de deux trônes en nous. Ce qu'avec leur héros vous avez de pratique vous a dû mieux qu'à moi montrer leur politique. Je ne vous en dis rien. Un souci plus pressant, et si je l'ose dire assez embarrassant, ou même comme vous la pitié m'intéresse, vous doit inquiéter touchant votre promesse. Dérober Sophonis beau pouvoir des Romains, c'est un pénible ouvrage et digne de vos mains. Vous devez y penser. Un peu trop téméraire, peut-être, ai-je promis plus que je ne puis faire. Les pleurs de Sophonis m'ont surpris ma raison. L'opprobre du triomphe est pour elle un poison, et j'ai cru que le ciel l'avait assez punie, sans la livrer moi-même à tant d'ignominie. Madame, il est bien dur de voir déshonorer l'autel où tant de fois on s'est plu d'adorer. Et l'âme, ouverte au bien que le ciel lui renvoie, ne peut rien refuser dans ce comble de joie. Mais, quoique ma promesse ait de difficulté, l'effet en est aisé, si vous y consentez. Si j'y consens, bien plus. Seigneur, je vous en prie, voyez s'il faut agir de force ou d'industrie et concertez ensemble, en toute liberté, ce que dans votre esprit vous avez projeté. Elle vous cherche. Exprès. Tout a changé de face. Madame, et les destins vous ont mis en ma place. Vous me deviez servir malgré tout mon courroux, et je fais à présent même chose pour vous. Je vous l'avais promise et je vous tiens parole. Je vous suis obligée. Et ce qui m'en console, c'est que tout peut changer une seconde fois. Et je vous rendrai l'or tout ce que je vous dois. Si le ciel jusque-là vous en laisse incapable, vous pourrez quelque temps être ma redevable. non tant d'avoir parlé, d'avoir prié pour vous, comme de vous céder un entretien si doux. Voyez si c'est vous rendre un fort méchant office que vous abandonnez le prince Massinis. Ce n'est pas mon dessein de vous le dérober. Peut-être en ce dessein pourriez-vous succomber. Mais seigneur, quel qu'il soit, je n'y mets point d'obstacle. Un héros comme un dieu peut faire des miracles, et s'il faut mon aveu pour en venir à bout, soyez sûr de nouveau que je consens à tout. Adieu. Pardonnez-vous à cette inquiétude. Que fait de mon destin la triste incertitude, Seigneur? Et cet espoir que vous m'avez donné, vous fera-t-il aimer d'en être importuné? Je suis carthaginoise et d'un sang que vous-même n'avez que trop jugé digne du diadème. Jugez par là l'excès de ma confusion à me voir attachée au char de Scipion. Et si ce qu'entre nous on vit d'intelligence ne vous convaincra point d'une indigne vengeance, si vous écoutez plus de vieux ressentiments que le sacré respect de vos derniers serments. Je fus ambitieuse, inconstante et parjure. Plus votre amour fut grand, plus grande en est l'injure, mais plus il apparut, plus il vous fait de loi pour défendre l'honneur de votre premier choix, et plus l'injure est grande. Et d'autant mieux éclate la générosité de servir une ingrate, que votre bras lui-même a mise hors d'état d'en pouvoir dignement reconnaître l'éclat. Oh, si vous m'en devez quelque reconnaissance, cessez de vous en faire une fausse impuissance. De quelque dur revers que vous sentiez les coups, vous pouvez plus pour moi que je ne puis pour vous. Je dis plus, je ne puis pour vous aucune chose. À moins qu'à m'y servir, ce revers vous dispose. J'ai promis, mais sans vous j'aurais promis en vain. J'ai juré, mais l'effet dépend de votre main. Autre qu'elle, en ces lieux, ne peut briser vos chaînes. En un mot, le triomphe est un supplice aux reines. La femme du vaincu ne le peut éviter, mais celle du vainqueur n'a rien à redouter. De l'une, il est aisé que vous deveniez l'autre. Votre main, par mon sort, peut relever le vôtre, mais vous n'avez qu'une heure, ou plutôt qu'un moment, pour résoudre votre âme à ce grand changement. Demain, Lélius entre, et je ne suis plus maître. Et quelque amour en moi que vous voyez renaître, quelques charmes en vous qui puissent me ravir, je ne puis que vous plaindre et non pas vous servir. C'est vous parler sans doute avec trop de franchise. Mais le péril... De grâce, excusez ma surprise. Si Fax encore vivant, voulez-vous qu'aujourd'hui... Vous me fûtes promise auparavant qu'à lui. Et cette foi donnée et reçue à Carthage, quand vous voudrez m'aimer, d'avec lui vous dégage. Si de votre personne il s'est vu possesseur, il en fut moins l'époux que l'heureux ravisseur. Et sa captivité qui rompt cet Hyménée laisse votre main libre et la sienne enchaînée. Rendez-vous à vous-même. Et s'il vous peut venir de notre amour passer quelque doux souvenir, si ce doux souvenir peut avoir quelque force... Oh, vous pourriez m'aimer après un tel divorce. Seigneur, et recevoir de ma légèreté ce que vous dérobe à tant d'infidélité. N'attendez point, madame, ici, que je vous dis que je ne vous impute aucune perfidie. Que mon peu de mérite et mon trop de malheur ont seuls forcé Carthage à forcer votre cœur, que votre changement n'éteignit point ma flamme, qu'il ne vous ôta point l'empire de mon âme, et que si j'ai porté la guerre en vos états, vous étiez la conquête où prétendait mon bras. Quand le temps est trop cher pour le perdre en parole, toutes ces vérités sont des discours frivoles. Il faut ménager mieux ce moment de pouvoir. Demain, Lélius entre, il le peut dès ce soir, avant son arrivée. Assurez votre empire, je vous aime, madame. Et c'est assez vous dire. Je n'examine point quels sentiments pour moi me rendront les effets d'une première fois. Que votre ambition... Que votre amour choisisse. L'opprobre est d'un côté, de l'autre, Massinis. Il faut aller à Rome ou me donner la main. Ce grand choix ne se peut différer à demain. Le péril presse autant que mon impatience. Et quoique mes succès m'offrent de confiance, avec tout mon amour, je ne puis rien pour vous. Si demain, Rome en moi ne trouve votre époux. Il faut donc à mon tour je parle avec franchise. Puisqu'un péril si grand ne veut point de remise. L'hymen que vous m'offrez peut rallumer mes feux. Et pour briser mes fers, rompre tous autres nœuds, mais avant qu'il vous rende à votre prisonnière, je veux que vous voyiez son âme tout entière, et ne puissiez un jour vous plaindre avec sujet de n'avoir pas bien vu ce que vous aurez fait. Quand j'épousais Syphax, je n'y fus point forcée. De quelques traits pour vous que l'amour m'eût blessé, je vous quittais sans peine. Et tous mes vœux trahis cédèrent avec joie au bien de mon pays. En un mot, j'ai reçu du ciel pour mon partage la version de Rome et l'amour de Carthage. Vous aimez Lélius, vous aimez Scipion, vous avez lieu d'aimer toute leur nation, aimez-la, j'y consens, mais laissez-moi ma haine. Tant que vous serez roi, souffrez que je sois reine, avec la liberté d'aimer et de haïr, et sans nécessité de craindre ou d'obéir. Voilà quel je suis. Et quel je veux être. J'accepte votre hymen, mais pour vivre sans maître. Et ne quitterai point l'époux que j'avais pris si Rome se pouvait éviter qu'à ce prix. À ces conditions, me voulez-vous pour femme ? À ces conditions, prenez toute mon âme. Et s'il vous faut encore quelques nouveaux serments... Ne perdez point, Seigneur, ces précieux moments. Et puisque sans contrainte il m'est permis de vivre... Faites tout préparer, je m'apprête à vous suivre. J'y vais. Mais de nouveau, gardez que Lélius... Cessez de vous gêner par des soins superflus. J'en connais l'importance et vous rejoins au temple. Tu vois ? Mon bonheur passé l'espoir et l'exemple. Et c'est, pour peu qu'on aime une extrême douceur, de pouvoir accorder sa gloire avec son cœur. Mais c'en est une ici bien autre et sans égale. D'enlever aussitôt ce prince à ma rivale, de lui faire tomber le triomphe des mains et prendre sa conquête aux yeux de ses Romains. Peut-être avec le temps j'en aurai l'avantage de l'arracher à Rome et le rendre à Carthage. Je m'en réponds déjà sur le don de sa foi. Il est à mon pays puisqu'il est tout à moi. À ce nouvel hymen, c'est ce qui me convie. Non l'amour, non la peur de me voir asservi. L'esclavage au grand cœur n'est point à redouter. Alors qu'on sait mourir, on sait tout éviter. Mais comme enfin la vie est bonne à quelque chose... Ma patrie elle-même à ce trépas s'oppose et m'en désavouerait si j'osais me ravir les moyens que l'amour m'offre de la servir. Le bonheur surprenant de cette préférence m'en donne une assez juste et flatteuse espérance. Que ne pourrais-je point si dès qu'il m'a pu voir, mes yeux d'une autre reine ont détruit le pouvoir. Tu l'avais comme moi. Qu'aucun retour vers elle n'a montré qu'avec peine il lui fut infidèle. Il ne l'a point nommée, et pas même un soupir, n'en a fait soupçonner le moindre souvenir. Ce sont grandes douceurs que le ciel vous renvoie, mais il manque le comble à cet excès de joie, dont vous vous sentiriez encore bien mieux saisir si vous voyiez qu'Eryx s'en eut du déplaisir. Elle est indifférente, ou plutôt insensible, à vous servir contre elle, elle fait son possible. Quand vous prenez plaisir à troubler son discours, elle en prend à laisser au vôtre un libre cours. Et ce héros, enfin, que votre soin obsède, semble ne vous offrir que ce qu'elle vous cède. Je voudrais qu'elle fît un peu plus son malheur, qu'elle en fît hautement éclater la douleur, que l'espoir inquiet de se voir son épouse jetât un plein désordre en son âme jalouse, que son amour pour lui fût sans bonté pour vous. Que tu te connais mal en sentiments jaloux. Alors qu'on l'est si peu qu'on ne pense pas l'être, on n'y réfléchit point, on laisse tout paraître. Mais quand on l'est assez pour s'en apercevoir, on met tout son possible à n'en laisser rien voir. Éric, ce qui connaît et qui hait sa faiblesse, la renferme au-dedans et s'en rend la maîtresse. Mais cette indifférence où tant d'orgueil se joint ne part que d'un dépit jalouse au dernier point. Et sa fausse bonté se trahit elle-même par l'effort qu'elle fait à se montrer extrême. Elle est étudiée et ne l'est pas assez pour échapper entière aux yeux intéressés. Allons, sans perdre temps, l'empêcher de nous nuire et prévenir l'effet qu'elle pourrait produire. Oui, Seigneur, j'ai donné vos ordres à la porte que, jusqu'à demain, aucun entre ne sorte. À moins que Lélius vous dépêche quelqu'un. Au reste, votre hymen fait le bonheur commun. Cette illustre conquête est une autre victoire que prennent les vainqueurs pour un surcroît de gloire et qui fait aux vaincus bannir tout leur effroi, voyant régner leur reine avec leur nouveau roi. Cette union à tous promet des biens solides et réunit sous vous tous les cœurs des Numides. Mais Eryx, j'ai mis des gens à l'observer et suis allé moi-même après eux la trouver de peur qu'un contretemps de jalouse colère allât jusqu'aux hôtels en troubler le mystère. D'abord qu'elle a tout su, son visage étonné au trouble du dedans sans doute a trop donné, du moins à ce grand coup elle a paru surprise. Mais un moment après, entièrement remise, elle a voulu sourire et m'a dit froidement « Le roi n'use pas mal de mon consentement. Allez et dites-lui que pour reconnaissance... » Mais, Seigneur, Devervouze elle-même s'avance et vous expliquera mieux que je n'aurais fait ce qu'elle ne m'a pas expliqué tout à fait. Cependant, cours au temple et presse un peu la reine d'y terminer des vœux dont la longueur me gêne et dis-lui que c'est trop importuner les dieux en un temps où sa vue est si chère à mes yeux. Comme avec vous, Seigneur, je ne suis jamais feindre souffrer pour un moment que j'ose ici m'en plaindre. Non d'un amour éteint, ni d'un espoir déçu. L'un fut mal allumé, l'autre fut mal conçu. Mais d'avoir cru mon âme est si faible et si basse qu'elle pût m'imputer votre hymen à disgrâce. Et d'avoir envié cette joie à mes yeux d'en être les témoins aussi bien que les dieux. Ce plein aveu promis avec tant de franchise me préparait assez à voir tout sans surprise. Et sûr que vous étiez de mon consentement, vous me deviez ma part en cet heureux moment. J'aurais un peu plus tôt été désabusée. Et près du précipice où j'étais exposée, il m'eût été, Seigneur, et m'est encore bien doux d'avoir pu vous connaître avant que d'être à vous. Aussi, n'attendez point de reproches ou d'injures. Je ne vous nommerai ni lâche, ni parjure. Quel outrage m'a fait votre manque de foi de me voler un cœur qui n'était pas à moi. J'en connais le haut prix, j'en vois tout le mérite, mais jamais un tel vol n'aura rien qui m'irrite. Et vous vivrez sans trouble en vos contentements, s'ils n'ont à redouter que mes ressentiments. Vous avez assez prévu qu'il vous serait facile de garder dans ma perte un esprit si tranquille. Le peu d'ardeur pour moi que vos désirs ont eu doit s'accorder sans peine avec cette vertu. Vous avez faim d'aimer et permis l'espérance. Mais cet amour traînant n'avait que l'apparence. Et quand par votre hymen vous pouviez m'acquérir, vous m'avez renvoyé pour vaincre ou pour périr. J'ai vaincu par votre ordre. Et vois avec surprise que je n'en ai pour fruit qu'une froide remise. Et quelque espoir douteux d'obtenir votre choix quand nous serons chez vous, l'un et l'autre, en vrai roi. Dites-moi donc, madame, aimiez-vous ma personne ou le pompeux éclat d'une double couronne? Et lorsque vous prêtiez des forces à mon bras, était-ce pour unir nos mains ou nos états? Je vous l'ai déjà dit que toute ma vaillance tient d'un si grand secours sa gloire et sa puissance. Je saurai m'acquitter de ce qui vous est dû et je vous rendrai plus que vous n'avez perdu. Mais comme en mon malheur ce favorable office en voulait à mon sceptre et non à ma sinice, vous pouvez sans chagrin dans mes destins meilleurs voir mon sceptre en vos mains et ma sinice ailleurs. Prenez ce sceptre aimé pour l'attacher au vôtre. Ma main, tant refusée, est bonne pour une autre. Et son ambition a de quoi s'arrêter en celui de Syphax qu'elle vient d'emporter. Si vous m'aviez aimé, vous n'auriez pas eu honte d'en montrer une estime plus haute et plus prompte, ni craint de ravaler l'honneur de votre rang pour trop considérer le mérite et le sang. La naissance suffit quand la personne est chère. Un prince détrôné garde son caractère. Mais à vos yeux charmés par de plus forts appâts, ce n'est point être roi que de ne régner pas. Vous en vouliez en moi l'effet comme le titre. Et quand de votre amour la fortune est l'arbitre, le mien, au-dessus d'elle et de tous ses revers, reconnaît son objet dans les pleurs, dans les fers. Après m'être fait roi, pour plaire à votre envie, aux dépens de mon sang, qu'au péril de ma vie, mon sceptre reconquis me met en liberté de vous laisser un bien que j'ai trop acheté. Et ce serait trahir les droits du diadème que sur le haut d'un trône être esclave moi-même. Un roi doit pouvoir tout, et je ne suis pas roi s'il ne m'est pas permis de disposer de moi. Il est beau de trancher du roi comme vous faites. Mais n'a-t-on aucun lieu de douter si vous l'êtes? Et n'est-ce point, Seigneur, vous y prendre un peu mal que d'en faire l'épreuve en gendre d'Asdrubal? Je sais que les Romains vous rendront la couronne. Vous en avez parole et leur parole est bonne. Ils vous nommeront roi. Mais vous devez savoir qu'ils sont plus libéraux du nom que du pouvoir et que sous leur appui, ce plein droit de tout faire n'est que pour qui ne veut que ce qui doit leur plaire. Vous verrez qu'ils auront pour vous trop d'amitié pour vous laisser méprendre au choix d'une moitié. Ils ont pris trop de part en votre destinée pour ne pas la franchir d'un pareil hyménée et ne se croiraient pas assez de vos amis s'ils n'en désavouaient les dieux qui l'ont permis. Je m'en dédie, madame. Et s'il vous est facile de garder dans ma perte un cœur vraiment tranquille, du moins votre grande âme, avec tous ses efforts, n'en conserve pas bien les fastueux dehors. Lorsque vous étouffez l'injure et la menace, vos illustres froideurs laissent rompre leur glace, et cette fermeté de sentiments contraints s'échappe adroitement du côté des Romains. Si tant de retenue a pour vous quelque gêne, allez jusqu'en leur camp, sollicitez leur haine. Traitez-y mon hymen de lâche et noir forfait. N'épargnez point les pleurs pour en rompre les faits. Nommez-y moi 100 fois ingrat, parjure, traître. J'ai mes raisons pour eux et je les dois connaître. Je les connais, Seigneur, sans doute moins que vous. Et les connais assez pour craindre leur courroux. Ce grand titre de roi que seul je considère étant sur moi l'affront qu'en vous ils vont lui faire. Et rien ici n'échappe à ma tranquillité que par les intérêts de notre dignité. Dans votre peu de foi, c'est tout ce qui me blesse. Vous allez hautement montrer notre faiblesse, dévoiler notre honte et faire voir à tous quel fantôme d'État ont fait régner en nous. Oui, vous allez forcer nos peuples de connaître qu'ils n'ont que le Sénat pour véritable maître et que ceux qu'avec pompe ils ont vu couronner en reçoivent les lois qu'ils semblent leur donner. C'est là mon déplaisir. Si je n'étais pas reine, ce que je perds en vous me ferait peu de peine. Mais je ne puis souffrir qu'un si dangereux choix détruise en un moment ce peu qui reste au roi, et qu'en un si grand cœur, l'impuissance de l'être ait ménagé si mal l'honneur de le paraître. Mais voici cet objet si charmant à vos yeux, dont le cher entretien vous divertira mieux. Une seconde fois, tout a changé de face, madame, et c'est à moi de vous quitter la place. Vous n'aviez pas dessein de me le dérober. L'occasion qui plaît souvent fait succomber. Vous puis-je en cet état rendre quelques services? L'occasion qui plaît semble toujours propice. Mais ce qui vous et moi nous doit mettre en souci, c'est que ni vous ni moi ne commandons ici. Si vous y commandiez, je pourrais être à plaindre. Peut-être en auriez-vous quelque peu moins à craindre. Ceux dont avant 2 jours nous y prendrons des lois regardent d'un autre œil la majesté des rois. Étant ce que je suis, je redoute un exemple. Et reine, c'est mon sort en vous que je contemple. Vous avez du crédit. Si Fax n'en manque point, et si chez les Romains l'un à l'autre se joint... Votre félicité sera longtemps parfaite s'il la laisse durer autant que je souhaite. Seigneur, en cet adieu, recevez-en ma foi. Ou me donnez quelqu'un qui réponde de moi. La gloire de mon rang, qu'en vous deux je respecte, ne saurait consentir que je vous sois suspecte. Faites-moi donc justice, et ne m'imputez rien si le ciel à mes vœux ne s'accorde pas bien. Comme elle voit ma perte aisément réparable, sa jalousie est faible et son dépit traitable. Aucun ressentiment n'éclate en ses discours. Non, mais le fond du cœur n'éclate pas toujours. Qui n'est point irrité, ayant trop de quoi l'être, l'est souvent d'autant plus qu'on le voit moins paraître, et cachant son dessein pour le mieux assurer, cherche à prendre ce temps qu'on perd à murmurer. Ce grand calme prépare un dangereux orage. Prévenez les effets de sa secrète rage, prévenez de Syphax, l'emportement jaloux, avant qu'il ait aigri vos Romains contre vous, et portez dans leur camp la première nouvelle de ce que vient de faire un amour si fidèle. Vous n'y hasardez rien, s'il respecte en vous, comme nous l'espérons, le nom de mon époux. Mais je m'attirerai la dernière infamie, s'il brisait, malgré vous, le saint nœud qui nous lie, et qu'il pût se noircir de quelque indignité mon trop de confiance en votre autorité. Si dès qu'ils paraîtront, vous n'êtes plus le maître, c'est d'eux qu'il faut savoir ce que je vous puis être. Et puisque l'Élius doit entrer dès demain... Ah, je n'ai pas reçu le cœur avec la main, si votre amour... Seigneur, je parle avec franchise. Vous m'avez épousée et je vous suis acquise. Voyons si vous pourrez me garder plus d'un jour. Je me rends au pouvoir et non pas à l'amour. Et de quelque façon qu'à présent je vous nomme, je ne suis point à vous s'il faut aller à Rome. À qui donc? À Syphax, madame? D'aujourd'hui, puisqu'il porte des fers, je ne suis plus à lui. En dépit des Romains, on voit que je vous aime. Mais jusqu'à leur aveu, je suis tout à moi-même. Et pour obtenir plus que mon cœur et ma foi, il faut m'obtenir d'eux aussi bien que de moi. Le nom d'époux suffit pour me tenir parole. Pour me faire éviter l'aspect du Capitole, n'exigez rien de plus. Perdez quelques moments pour mettre en sûreté l'effet de vos serments. Mais que nous veut Syphax que ce Romain conduit? Touché de cet excès du malheur qui le suit, madame, par pitié, l'Élius vous l'envoie et donne à ses douleurs ce mélange de joie avant qu'on le conduise au camp de Scipion. J'aurai pour ses malheurs même compassion. Adieu. Cet entretien ne veut point ma présence. J'en attendrai l'issue avec impatience, et j'ose en espérer quelque plus douce loi quand vous aurez mieux vu le destin des deux rois. Je sais ce que je suis et ce que je dois faire, et prends pour seul objet ma gloire à satisfaire. Madame, à cet excès de générosité, je n'ai presque plus Dieu pour ma captivité. Et malgré de mon sort la disgrâce éclatante, je suis encore heureux quand je vous vois, Constante. Un rival triomphant veut place en votre cœur, et vous osez pour moi dédaigner ce vainqueur. Vous préférez mes fers à toute sa victoire, et savez hautement soutenir votre gloire. Je ne vous dirai point aussi que vos conseils m'ont fait choir de ce rang si cher à nos pareils, ni que pour les Romains, votre haine implacable a rendu ma déroute à jamais déplorable. Puisqu'en vain Massini s'attaque votre foi, je règne dans votre âme et c'est assez pour moi. Qui vous dit qu'à ses yeux vous y régniez encore ? Que pour vous je dédaigne un vainqueur qui m'adore, et quelle indigne loi m'y pourrait obliger lorsque vous m'apportez des fers à partager? Ce soin de votre gloire est de lui satisfaire. Quand vous l'entendrez bien, vous direz le contraire. Ma gloire est d'éviter les fers que vous portez, d'éviter le triomphe où vous vous soumettez, et ma naissance ne voit que cette honte à craindre. Enfin, détrompez-vous, il s'y irait mal de feindre. Je suis à Massini, c'est le peuple en ces lieux. Viens de voir notre hymen à la face des dieux, nous sortons de leur temple. Oh ! Que m'osez-vous dire ? Que Rome, sur mes jours, n'aura jamais d'empire. J'ai su m'en affranchir par une autre union, et vous suivrez sans moi le char de Scipion. Le croirais-je ? Grand Dieu ! Et le voudra-t-on croire alors que l'avenir en apprendra l'histoire ? Sophonisbe ! Servie avec tant de respect, elle que j'adorais dès le premier aspect, qui s'est vue à toute heure et partout obéie, insulte lâchement à ma gloire trahie par sa déloyauté et d'un crime si noir fait en grand vanité. Le crime n'est pas grand d'avoir l'âme assez haute pour conserver un rang que le destin vous ôte. Un roi né pour la gloire et digne de son sort, à la honte des fers, c'est préférer la mort, et vous m'aviez promis... Ah, madame ! Qu'une telle promesse était douce à votre âme. Ma mort faisait dès lors vos plus ardents souhaits. Non ! Mais je vous tiens mieux ce que je vous promets. Je vis encore en reine et je mourrai de même. Dites que votre foi tient tout au diadème, que les plus saintes lois ne peuvent rien sur vous. Ne m'attachez point tant au destin d'un époux. Seigneur, les lois de Rome et celles de Carthage vous diront que l'hymen se rompt par l'esclavage, que vos chaînes d'une autre ont brisé le lien et qu'étant dans les fers, vous ne mettez plus rien. Ainsi, par les lois mêmes, en mon pouvoir remise, je me donne au monarque à qui je fus promise et m'acquitte envers lui d'une première foi qu'il reçut avant vous de mon père et de moi. Ainsi, mon changement n'a point de perfidie. J'étais et suis encore au roi de Numidie, et laisse à votre sort son flux et son reflux, pour régner malgré lui quand vous ne régnez plus. Ah, s'il est quelque loi qui souffre qu'on étale, cet illustre mépris de la foi conjugale, cette hauteur, madame, a d'étranges effets, après m'avoir forcé de refuser la paix. Me les promettiez-vous, alors qu'à ma défaite, vous montriez d'ancir une sûre retraite? Et contre le secours de votre général, vous me vantiez celui d'Anon et d'Hannibal. Pour vous avoir trop cru, hélas, et trop aimé, je me vois sans état, je me vois sans armée. et par l'indignité d'un soudain changement, la cause de ma chute en fait l'accablement. Puisque je vous montrais dans Sirte une retraite, vous deviez vous y rendre après votre défaite. S'il eût fallu périr sous un fameux débris, je l'eusse appris de vous ou je vous l'eusse appris. Moi qui, sans m'ébranler du sort de deux batailles, venais de m'enfermer exprès dans ces murailles, prête à souffrir un siège et soutenir pour vous, quoique du ciel injuste eût osé le courroux. Pour mettre en sûreté quelques restes de vie, vous avez du triomphe accepté l'infamie, et ce peuple déçu qui vous tendait les mains n'a revu dans son roi qu'un captif des Romains. Vos fers en leur faveur plus forts que leurs cohortes ont abattu les cœurs, ont fait ouvrir les portes et réduit votre femme à la nécessité de chercher tout moyen d'enfuir l'indignité. Quand vos sujets ont cru que sans devenir traîtres, ils pouvaient après vous se livrer à vos maîtres. Votre exemple est ma loi, vous vivez et je vis. Et si vous fussiez mort, je vous aurais suivi. Mais si je vis encore, ce n'est pas pour vous suivre. Je vis pour vous punir de trop aimer à vivre. Je vis peut-être encore pour quelque autre raison qui se justifiera dans une autre saison. Un Romain nous écoute. Et quoi qu'on veuille en croire, quand il en sera temps, je mourrai pour ma gloire. Cependant, bien qu'un autre ait le titre d'époux, sauvez-moi des Romains, je suis encore à vous. Et je croirai régner malgré votre esclavage, si vous pouvez m'ouvrir les chemins de Carthage. Obtenez de vos dieux ce miracle pour moi, et je romps avec lui pour vous rendre ma foi. Je l'aimais, mais ce feu dont je fus la maîtresse ne met point dans mon cœur de honteuse tendresse. Toute ma passion est pour ma liberté et toute mon horreur pour la captivité. Seigneur, après cela, je n'ai rien à vous dire. Par ce nouvel hymen, vous voyez où j'aspire. Vous savez les moyens d'en rompre le lien. Réglez-vous là-dessus sans vous plaindre de rien. A-t-on vu sous le ciel plus infâme injustice? Ma déroute la jette au lit de ma cynice. Et pour justifier ses lâches trahisons, les maux qu'elle a causés lui servent de raison. Si c'est avec chagrin que vous souffrez sa perte, Seigneur, quelque espérance encore vous est offerte. Si je l'ai bien compris, cet hymen imparfait n'est encore qu'en parole et n'a point eu d'effet. Et comme nos Romains le verront avec peine, ils pourront mal répondre aux souhaits de la reine. Je vais m'assurer d'elle. Et vous direz de plus que j'en viens d'envoyer avis à Lélius. J'en attends nouvel ordre et dans peu je l'espère. Quoi ? Prendre tant de soins d'adoucir ma misère ? Lépide ! Il n'appartient qu'à de vrais généreux d'avoir cette pitié des princes malheureux. Autre que les Romains n'en chercheraient la gloire. Lélius fera voir ce qu'il vous en faut croire. Vous autres, attendant quel est son sentiment, allez garder le roi dans cet appartement. Thank you. sûreté s'en est rendu maître. Bientôt dans ce palais, vous le verrez paraître. Et si vous espérez que parmi vos malheurs, sa présence ait de quoi soulager vos douleurs, vous n'avez avec moi qu'à l'attendre au passage. Lépide, que dit-il touchant ce mariage? En rompra-t-il les nœuds? En sera-t-il d'accord? Fera-t-il mon rival arbitre de mon sort? Je ne vous réponds point que sur cette matière, il veuille vous ouvrir son âme tout entière. Mais vous pouvez juger que, puisqu'il vient ici, cet hymen, comme à vous, lui donne du souci. Sachez-le de lui-même. Il entre et vous regarde. Détachez-lui ses fers, il suffit qu'on le garde. Prince, je vous ai vu tantôt comme ennemi, et vous vois maintenant comme ancien un ami. Le fameux Scipion de qui vous fûtes l'hôte ne s'offensera point des fers que je vous ôte, et ferait encore plus s'il nous était permis de vous remettre au rang de nos plus chers amis. Ah. Ne rejetez point dans ma triste mémoire le cuisant souvenir de l'excès de ma gloire, et ne reprochez point à mon cœur, désolé, à force de bonté ce qui l'a violé. Je fus l'ami de Rome et de ce grand courage qu'oppose nos destins au destin de Carthage. Toutes deux, et ce fut le plus beau de mes jours, par leurs plus grands héros briguèrent mon secours. J'eus des yeux assez bons pour remplir votre attente. Mais que sert un bon choix dans une âme inconstante, et que peuvent les droits de l'hospitalité sur un cœur si facile à l'infidélité? J'en suis assez puni par un revers si rude, Seigneur. Sans m'accabler de votre ingratitude, il suffit des malheurs qu'on voit fondre sur moi sans me convaincre encore d'avoir manqué de foi et me faire avouer que le sort qui m'opprime, pour cruel qu'il me soit, rend justice à mon crime. Je ne vous parle aussi qu'avec cette pitié que nous laisse pour vous un reste d'amitié. Elle n'est pas éteinte. Et toutes vos défaites ont rempli nos succès d'amertume secrète. Nous ne saurions voir, même aujourd'hui, qu'à regret, ce gouffre de malheur que vous vous êtes fait. Le ciel m'en est témoin. Et vos propres murailles, qui nous voyaient enflées du gain de deux batailles, ont vu cette amitié porter tous nos souhaits à regagner la vôtre et vous rendre la paix. Par quel motif de haine, obstiné à vous nuire, nous avez-vous forcé vous-même à vous détruire? Quel astre de votre heure et d'une autre jaloux vous a précipité jusqu'à rompre avec nous? Pourrez-vous pardonner, Seigneur, à ma vieillesse, si je vous fais l'aveu de toute sa faiblesse? Lorsque je vous aimais, j'étais maître de moi, et tant que je le fus, je vous gardais ma foi. Mais dès que Sophonisbe, avec son Hyménée, s'empara de mon âme et de ma destinée, je suivis de ses yeux le pouvoir absolu, et n'ai voulu depuis que ce qu'elle a voulu. Que c'est un imbécile et sévère esclavage que celui d'un époux sur le penchant de l'âge, quand, sous un front ridé qu'on a droit de haïr, il croit se faire aimer à force d'obéir. De ce mourant amour, les ardeurs ramassées jettent un feu plus vif dans nos veines glacées et pensent racheter l'horreur des cheveux gris par le présent d'un cœur au dernier point soumis. Sophonisbe parla de vin ma souveraine, régla mes amitiés, disposa de ma haine, m'anima de sa rage et versa dans mon sein de toutes ses fureurs l'implacable dessein. Sous ces dehors charmants qui paraît son visage, c'était un vrai démon que déchaînait Carthage. Elle avait tout mon cœur, Carthage tout le sien. Hors de ses intérêts, elle n'écoutait rien. Et malgré cette paix que vous m'avez offerte, elle a voulu, pour eux, me livrer à ma perte. Vous voyez son ouvrage en ma captivité. Voyez-en un plus rare en sa déloyauté. Vous trouverez, Seigneur, cette même furie qui seule m'a perdu pour l'avoir trop chérie. Vous la trouverez, dis-je, au lit d'un autre roi qu'elle saura séduire et perdre comme moi. Si vous ne le savez, c'est votre Massinisse qui croit par cet immense bienfait justice et que l'infâme vol d'une telle moitié le venge pleinement de notre inimitié. Mais pour peu de pouvoir qu'elle ait sur son courage, ce vainqueur, avec elle, épousera Carthage. L'air qu'un si cher objet se plaît à respirer a des charmes trop forts pour n'y pas attirer. Dans ce dernier malheur, c'est ce qui me console. Je lui cède avec joie un poison qu'il me vole et ne vois point de don si propre à m'acquitter de tout ce que ma haine ose lui souhaiter. Je connais Massinisse et ne vois rien à craindre d'un amour que lui-même il prendra soin d'éteindre. Il en sait l'importance. Et quoi qu'il ait osé, si l'hymen fut trop prompt, le divorce est aisé. Sophonisbe, envers vous l'ayant mis en usage, le recevra de lui sans changer de visage et ne se promet pas de ce nouvel époux plus d'amour ou de foi qu'elle n'en eut pour vous. Vous, puisque cet hymen satisfait votre haine, de ceux qui le suivra, ne soyez point en peine et sans en augurer pour nous ni bien ni mal, attendez sans souci la perte d'un rival et laissez-nous celui de voir quel avantage pourrait avec le temps en recevoir Carthage. Seigneur, s'il est permis de parler au vaincu, souffrez encore un mot et je ne parle plus. Massinisse de soi pourrait fort peu de choses. Il n'a qu'un camp volant dont le hasard dispose. Mais joint à vos Romains, joint aux Carthaginois, il met dans la balance un redoutable poids. Et par ma chute, enfin, sa fortune enhardie va traîner après lui toute la Numidie. Je le hais fortement, mais non pas à l'égal des murs que ma perfide eut pour ses jours natals. Le déplaisir de voir que ma ruine en vienne craint qu'il ne dure trop s'il faut qu'il les soutienne. Puisse-t-il, ce rival, périr dès aujourd'hui? Mais puissais-je les voir trébucher avant lui? Prévenez donc, Seigneur, l'appui qu'on leur prépare. Vengez-moi de Carthage avant qu'il se déclare. Pressez en ma faveur votre propre courroux et gardez jusque-là Massinisse pour vous. Je n'ai plus rien à dire et vous en laisse faire. Nous saurons profiter d'un avis salutaire. Allez m'attendre au camp, je vous suivrai de près. Je dois ici l'oreille à d'autres intérêts et ceux de Massinisse. Il osera vous dire... Ce que vous m'avez dit, Seigneur, vous doit suffire. Encore un coup, allez, sans vous inquiéter. Ce n'est pas devant vous que je dois l'écouter. L'avez-vous commandé, Seigneur, qu'en ma présence, vos tribuns vers la reine usent de violence? Leur ordre est d'emmener au camp les prisonniers. Et comme elle et Syphax s'en trouvent les premiers, ils ont suivi cet ordre en commençant par elle. Mais par quel intérêt prenez-vous sa querelle? Syphax vous l'aura dit, puisqu'il sort avec vous. Seigneur, elle a reçu son véritable époux. Et j'ai repris sa foi par force violée sur un usurpateur qui me l'avait volée. Son père et son amour m'en avaient fait le don. Ce don, pour tout effet, n'eut qu'un lâche abandon. dès que Syphax parut, cet amour sans puissance. J'étais alors en Espagne. Et durant mon absence, Carthage la força d'accepter ce parti. Mais à présent, Carthage en a le démenti. En reprenant mon bien, j'ai détruit son ouvrage. Et vous faites, dès ici, triompher de Carthage. Commencer avant nous un triomphe si haut? C'est là braver Carthage un peu plus qu'il ne faut et mettre entre elle et Rome une étrange balance que de confondre ainsi l'une et l'autre alliance, notre ami tout ensemble et gendre d'Asdrubal. Croyez-moi, ces deux noms s'accordent assez mal, et quelque grand dessein que puisse être le vôtre, vous ne pourrez longtemps conserver l'un et l'autre. Ne vous figurez point qu'une telle moitié soit jamais compatible avec notre amitié, ni que nous attendions que le même artifice qui nous ôta Syphax nous vole Massinis, nous aimons nos amis. Et même en dépit d'eux, nous savons les tirer de ces pas dangereux. Ne nous forcez à rien qui vous puisse déplaire. Ne m'ordonnez donc rien que je ne puisse faire, et montrez cette ardeur de servir vos amis, à tenir hautement ce qu'on leur a promis, de Scipion, de vous. J'ai la parole expresse, et ce grand jour a fait que tout obstacle cesse, tout ce qui m'appartient me doit être rendu. Et par vous cet espoir vous est-il défendu? Quel ridicule espoir en garderait mon âme si votre dureté me refuse ma femme? Est-il rien plus à moi, rien moins à balancer? Et du reste, par là, que me faut-il penser? Puis-je faire aucun fond sur la foi qu'on me donne et traiter comme esclave, attendre ma couronne? Nous en avons ici les ordres du Sénat, et même de Syphax, il y joint tout l'État, mais nous n'en avons point touchant cette captive. Syphax est son époux, il faut qu'elle le suive. Syphax est son époux? Et que suis-je, Seigneur? Consultez la raison plutôt que votre cœur! Et voyant mon devoir, souffrez que je le fasse. Chargez! Chargez-moi donc de vos fers en sa place! Au lieu d'un conquérant par vos mains couronnées, traînées à votre Rome, un vainqueur enchaîné, je suis à Sophonisbe! Et mon amour fidèle dédaigne, et diadème, et liberté sans elle, je ne veux ni régner, ni vivre qu'en ses bras, non! Je ne veux! Seigneur, ne vous emportez pas! Résolus à ma perte, hélas! Que vous importe si ma juste douleur se retient ou s'emporte? Mes pleurs et mes soupirs vous fléchiront-ils mieux? Et vous-t-il à genoux? Vous parlez comme aux dieux! Que j'ai mal employé mon sang et mes services quand je les ai prêtés à vos astres propices. Si j'ai pu tant de fois hâter votre destin sans pouvoir mériter cette part au butin. Si vous avez, Seigneur, hâté notre fortune, je veux bien que la proie entre nous soit commune. Mais pour la partager, est-ce à vous de choisir? Est-ce avant notre aveu qu'il vous en faut saisir? Si vous aviez fait la moindre expérience de ce qu'un digne amour donne d'impatience, vous sauriez. Mais pourquoi n'en auriez-vous pas fait? Pour aimer à notre âge, en est-on moins parfait? Les héros des Romains ne sont-ils jamais hommes? Leur Mars a tant de fois été ce que nous sommes, et le maître des dieux, des rois et des amants, en ma place, aurait eu mêmes empressements, j'aimais. On l'agréait, j'étais ici le maître, vous m'aimiez. Ou du moins vous le faisiez paraître. L'amour, en cet état, daigne-t-il hésiter, faute d'un mot d'aveu dont il n'ose douter, voir son bien en sa main? Et ne le pas reprendre, Seigneur! C'est un respect bien difficile à rendre. Un roi se souvient-il, en des moments si doux qu'il a dans votre camp des maîtres parmi vous? Je l'ai dû toutefois, et je m'en tiens coupable. Ce crime est-il si grand qu'il soit irréparable? Et sans considérer mes services passés, sans excuser l'amour, par qui nos cœurs forcés... Vous parlez tant d'amour qu'il faut que je confesse que j'ai honte pour vous de voir tant de faiblesses. N'alléguez point les dieux, Si l'on voit quelquefois leurs flammes s'emporter en faveur de leur choix, ce n'est qu'à leurs pareils à suivre leurs exemples. Et vous ferez comme eux quand vous aurez des temples. Comme ils sont dans leur ciel, au-dessus du danger, ils n'ont là rien à craindre et rien à ménager. Du reste, je sais bien que souvent il arrive qu'un vainqueur s'adoucit auprès de sa captive. Les droits de la victoire ont quelques libertés qui ne sauraient déplaire à notre âge indompté. Mais quant à cette ardeur, un monarque défère. Il s'en fait un plaisir et non pas une affaire. Il repousse l'amour comme un lâche attentat dès qu'il veut prévaloir sur la raison d'État et son cœur, au-dessus de ses basses amorces, laisse à cette raison toujours toutes ses forces. Quand l'amour avec elle a de quoi s'accorder, tout est beau, tout succède, on n'a qu'à demander, mais pour peu qu'elle en soit ou doive être alarmée, son feu, qu'elle le dédie, doit tourner en fumée. Je vous en parle en vain. Cet amour décevant, dans votre cœur surprise, a passé trop avant. Vos feux vous plaisent trop pour les vouloir éteindre. Et tout ce que je puis, Seigneur, c'est de vous plaindre. Me plaindre tout ensemble et me tyranniser? Vous l'avouerez un jour, c'est vous favoriser. Quelle faveur, grand Dieu, qui tient lieu de supplice! Quand vous serez à vous, vous lui ferez justice. Ah, que cette justice est dure à concevoir. Je la conçois assez pour suivre mon devoir. Scipion vient, Seigneur, d'arriver dans vos tentes. Ravi du grand succès qui prévient ses attentes, et ne vous croyant pas maître en si peu de jours, il vous venait lui-même amener du secours. Il me donne ordre exprès de vous en avertir. Allez à votre hymen le faire consentir. Allez le voir sans moi, je l'en laisse seul juge. Oui, contre vos rigueurs, il sera mon refuge. Et j'en rapporterai d'autres ordres pour vous. Je les suivrai, Seigneur, sans en être jaloux. Mais avant mon retour, sinon on saisit la reine... J'en réponds jusque-là, n'en soyez point en peine. Qu'on la fasse venir. Vous pouvez lui parler, pour prendre ses conseils et pour la consoler. Garde que sans témoins, je le laisse avec elle. Vous, pour dernier avis d'une amitié fidèle, perdez fort peu de temps en ce doux entretien, et jusqu'au retour, ne vous vantez de rien. Voyez la danse, Seigneur. Voyez tout son mérite, voyez. S'il est aisé qu'un héros... Il me quitte. Et d'un premier éclat, le barbare, alarmé, n'ose exposer son cœur aux yeux qui m'ont charmé. Il veut être inflexible et craint de ne plus l'être, pour peu qu'il se permît de voir et de connaître. Allons. Allons, madame. Essayez aujourd'hui sur le grand Scipion ce qu'il a craint pour lui. Il vient d'entrer au camp, venez-y. Par vos charmes, appuyez mes soupirs et secourir mes larmes, et que ces mêmes yeux qui m'ont fait tout oser, si j'en suis criminel, servent à m'excuser. Puisse-t-il sur l'heure avoir là tant de force que pour prendre ma place, il m'ordonne un divorce, qu'il veuille conserver mon bien en me l'ôtant. J'en mourrai de douleur. Mais je mourrai content. Mon amour, pour vous faire un destin si propice, se prépare avec joie à ce grand sacrifice. Si c'est vous bien servir, l'honneur m'en suffira. Et si c'est mal aimer, mon bras m'en punira. Le trouble de vos sens dont vous n'êtes plus maître vous a fait oublier, Seigneur, à me connaître. Quoi ? J'irai mendier jusqu'au camp des Romains la pitié de leur chef qui m'aurait en ses mains. J'irai déshonorer par un honteux hommage le trône où j'ai pris place et le sang de Carthage. Et l'on verrait gémir la fille d'Asdrubal aux pieds de l'ennemi pour eux le plus fatal. Je ne sais si mes yeux auraient là tant de force. Qu'en sa faveur, sur l'heure, il pressât un divorce, mais je ne me vois pas en état d'obéir. s'il osait jusque-là cesser de me haïr. La vieille antipathie entre Rome et Carthage n'est pas prête à finir par un tel assemblage. Pour effet de vos feux et de votre parole, je ne veux qu'éviter l'aspect du Capitole. Que ce soit par l'hymen ou par d'autres moyens, que je vive avec vous ou chez nos citoyens, la chose m'est égale et je vous tiendrai quitte. Qu'on nous sépare ou non, pourvu que je l'évite. Mon amour voudrait plus, mais je règne sur lui. Et n'échanger d'époux que pour prendre un appui. Vous m'avez demandé la faveur de ce titre, pour soustraire mon sort à son injuste arbitre, et puisqu'à m'affranchir il faut que j'aie d'un roi, c'est là tout le secours que vous aurez de moi. Ajoutez-y des pleurs, mêlez-y des bassesses, mais laissez-moi, de grâce, ignorer vos faiblesses, et si vous souhaitez que l'effet m'en soit doux, ne me donnez point lieu d'en rougir après vous. Je ne vous sais le point que je serai ravie d'unir à vos destins les restes de ma vie. Mais si Rome en vous-même ose braver les rois, s'il faut d'autres secours, laissez-les à mon choix. J'en trouverai, Seigneur, et j'en sais qui, peut-être, n'auront à redouter ni maîtresse ni maître. Mais mon amour préfère à cette sûreté le bien de vous devoir toute ma liberté. Si je vous pouvais offrir même assurance que je serais heureux de cette préférence. Syphax et Lélius pourront vous prévenir. Si vous perdez ici le temps de l'obtenir, partez! M'enviez-vous le seul bien qu'à ma flamme a souffert jusqu'ici la grandeur de votre âme? Madame, je vous laisse aux mains de Lélius. Vous avez pu vous-même entendre ses refus. Et mon amour ne sait ce qu'il peut se promettre des mains de Scipion où je vais me remettre. L'un et l'autre est romain. Et peut-être en ce lieu, ce peu que je vous dise est le dernier adieu. Je ne vois rien de sûr que cette triste joie. Ne me l'enviez plus. Souffrez que je vous vois. Souffrez que je vous parle. Et vous puisse exprimer quelque part des malheurs où l'on peut m'abîmer, quelques informes traits de la secrète rage que déjà dans mon cœur forment leur sombre image. Non que je désespère, on m'aime. Mais hélas, on m'estime, on m'honore et l'on ne me craint pas. M'éloigner de vos yeux en cette incertitude, pour un cœur tout à vous, c'est un tourment bien rude, et si j'en ose croire un noir pressentiment, c'est vous perdre à jamais, que vous perdre à un moment. Madame, au nom des dieux, rassurez mon courage. Dites que vous m'aimez. J'en pourrais davantage. J'en deviendrai plus fort auprès de Scipion. Montrez pour mon bonheur un peu de passion. Montrez que votre flamme au même bien aspire. Ne régnez plus sur elle et laissez-lui me dire... Allez, Seigneur, allez, je vous aime en époux et serai à mon tour aussi faible que vous. Faites-moi voir cette illustre faiblesse, que ces douceurs... Ma gloire en est encore maîtresse. Adieu. Ce qui m'échappe en faveur de vos feux est moins que je ne sens et plus que je ne veux. Douterez-vous encore, Seigneur, qu'elle vous aime? Mais est-il, il est vrai, son amour est extrême. Mais cet extrême amour, au lieu de me flatter, ne saurait me servir qu'à mieux me tourmenter. Ce qu'elle m'en fait voir redouble ma souffrance. Reprenons toutefois un moment de constance. En faveur de sa flamme, espérons jusqu'au bout. Et pour tout obtenir, allons hasarder tout. cesse de me flatter d'une espérance vaine. Auprès de Sibillon, ce prince perd sa peine. S'il l'avait pu toucher, il serait revenu. Et puisqu'il tarde tant, il n'a rien obtenu. Si tant d'amour pour vous s'impute à trop d'audace, il faut un peu de temps pour en obtenir grâce. Moins on la rend facile et plus elle a de poids, Sibillon s'en fera prier plus d'une fois et peut-être son âme encore irrésolue. Sur moi, quoi qu'il en soit, je me rends absolue. Contre sa dureté, j'ai du secours tout près. Et ferai malgré lui, moi seule, mon arrêt. Cependant, de mon feu l'importune tendresse, aussi bien que ma gloire en mon sort s'intéresse, veut régner en mon cœur comme ma liberté, et n'ose l'avouer de toute sa fierté. Quelle bassesse d'âme! Ô ma gloire! Ô Carthage! Faut-il qu'avec vous deux un homme la partage? Et l'amour de la vie en faveur d'un époux doit-il être en ce cœur aussi puissant que vous? Ce héros a trop fait de m'avoir épousée. De sa seule pitié, s'il m'eût favorisée, cette pitié peut-être, en ce triste et grand jour, aurait plus fait pour moi que cet excès d'amour. Il devait voir que Rome en juste défiance... Mais vous lui témoignez pareille impatience. Et vos feux rallumés montraient de leur côté pour ce nouvel hymen égale avidité. Ce n'était point l'amour qui la rendait égale, c'était la folle ardeur de braver ma rivale. J'en faisais mon suprême et mon unique bien. Tous les cœurs ont leurs faibles et c'était là le mien. La présence d'Erix aujourd'hui m'a perdue. Je me serais sans elle un peu mieux défendue. J'aurais su mieux choisir et les temps et les lieux. Mais ce vainqueur vers elle eût pu tourner les yeux. Tout mon orgueil disait à mon âme jalouse qu'une heure de remise en eût fait son épouse et que pour me braver à son tour hautement, son feu se fût saisi de ce retardement. Cet orgueil dure encore. Et c'est lui qui l'invite, par un message express, à me rendre visite, pour reprendre à ses yeux un si cher conquérant. Ou s'il me faut mourir, la braver en mourant. Mais je vois mes étules, en cette conjoncture, son retour sans ce prince, est d'un mauvais augure. Raffermis-toi, mon âme, et prends des sentiments à te mettre au-dessus de tous événements. Quand reviendra le roi? Pourrais-je bien vous dire à quelle extrémité le porte un dur empire? Et si je vous le dis, pourrez-vous concevoir quel est son déplaisir, quel est son désespoir? Sibillon ne veut pas même qu'il vous revoie. J'ai donc peu de raison d'attendre cette joie. Quand son maître a parlé, c'est à lui d'obéir. Il lui commandera bientôt de me haïr, et dès qu'il recevra cette loi souveraine, je ne dois pas douter un moment de sa haine. Si vous pouviez douter encore de son ardeur, si vous n'aviez pas vu jusqu'au fond de son cœur, je vous dirais... Que Rome, à présent, l'intimide? Madame, vous savez... Je sais qu'il est numide. Toute sa nation est sujette à l'amour. Mais cet amour s'allume et s'éteint en un jour. J'aurais tort de vouloir qu'il en eût davantage. Que peut en cet état le plus ferme courage? Dès demain, vers Utique, il le veut enlever. N'avez-vous de sa part autre chose à me dire? Par grâce, on a souffert qu'il ait pu vous écrire, qu'il l'ait fait sans témoin, et par ce peu de mots qu'ont arrosé ses pleurs, qu'ont suivi ses sanglots, il vous fera juger. Donnez. Avec sa lettre... Voilà ce qu'en vos mains j'ai charge de remettre. Il ne m'est pas permis de vivre votre époux. Mais enfin, je vous tiens parole. Et vous éviterez l'aspect du Capitole. Si vous êtes digne de vous, ce poison que je vous envoie en est la seule et triste voie, et c'est tout ce que peut un déplorable roi pour dégager sa foi. Voilà de son amour une preuve assez ample. Mais s'il m'aimait encore, il me devait l'exemple. Plus esclave en son camp que je ne suis ici, il devait de son sort prendre même souci. Quel présent nuptial d'un épouse à sa femme! Qu'au jour d'un hyménée, il lui marque de flamme. Reportez, mes étules, à votre illustre roi un secours dont lui-même a plus besoin que moi. Il ne manquera pas d'en faire un digne usage, dès qu'il aura des yeux à voir son esclavage. Si tous les rois d'Afrique en sont toujours pourvus, pour dérober leur gloire aux malheurs imprévus, comme eux et comme lui, j'en dois être muni. Et quand il me plaira de sortir de la vie, de montrer qu'une femme a plus de cœur que lui, on ne me verra point emprunter rien d'autrui. Éric, se viendra-t-elle? As-tu vu cette reine? Madame, elle est déjà dans la chambre prochaine, surprise d'avoir su que vous la vouliez voir. Vous la voyez, elle entre. Elle va tout savoir. Si vous avez connu le prince Massinis... N'en parlons point, madame, il vous a fait justice. Vous n'avez pas connu tout à fait son esprit. Pour le connaître mieux, lisez ce qu'il m'écrit. Il ne m'est pas permis de vivre votre époux, mais enfin je vous tiens parole et vous éviterez l'aspect du Capitole. Si vous êtes digne de vous, ce poison que je vous envoie... On est la seule et triste. C'est tout ça. Du côté des Romains, je ne suis point surprise. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils les autorisent, qu'ils passent plus avant qu'ils ne voudraient aller. Que voulez-vous, madame? Il faut s'en consoler. Allez et dites-lui que je m'apprête à vivre en faveur du triomphe. En dessein de le suivre. Que puisque son amour ne sait pas mieux agir, je m'y réserve exprès pour l'en faire rougir. Je lui dois cette honte. Et Rome, son ami, en verra sur son front rejaillir l'infamie. Elle y verra marcher ce qu'on n'a jamais vu, la femme du vainqueur à côté du vaincu. Et mes pas chancelant sous ses pompes cruelles, couvrir ses plus hauts faits de tâches éternelles. Portez-lui ma réponse, allez. Dans ses ennuis... C'est trop m'importuner en l'état où je suis. Ne vous a-t-il chargé de rien dire à la reine? Non, madame. Allez donc, et sans vous mettre en peine, de ce qui me plaira croire ou ne croire pas, laissez en mon pouvoir ma vie et mon trépas. Une troisième fois, mon sort change de face. Madame, et c'est mon tour de vous quitter la place. Je ne m'en défends point. Et quel que soit le prix de ce rare trésor que je vous avais pris, quelque marque d'amour que ce héros m'envoie, ce que j'en eus pour lui vous le rend avec joie. Vous le conserverez plus dignement que moi. Madame, pour le moins, j'ai su garder ma foi. Et ce que mon espoir en a reçu d'outrage n'a pu jusqu'à la plainte emporter mon courage. Aucun de nos Romains sur mes ressentiments... Je ne demande point ces éclaircissements. Et m'en rapporte aux dieux qui savent toutes choses. Quand les faits est certain, il n'importe des causes. Que ce soit mon malheur, que ce soit nos tyrans, que ce soit vous ou lui, je l'ai pris, je le rends. Il est vrai que l'état où j'ai su vous le prendre n'est pas du tout le même où je vais vous le rendre. Je vous l'ai pris vaillant, généreux, plein d'honneur. Je vous le rends lâche, ingrat, empoisonneur. Je l'ai pris magnanime et vous le rends perfide. Je vous le rends sans cœur et l'ai pris intrépide. Je l'ai pris le plus grand des princes africains et le rend, pour tout dire, esclave des Romains. Qui me le rend ainsi n'a pas beaucoup d'envie que j'attache à l'aimer le bonheur de ma vie. Ce n'est pas là, madame, où je prends intérêt. Accepter. Refuser. Aimez-le tel qu'il est. Dédaigner son mérite. Estimez sa faiblesse. De tout votre destin, vous êtes la maîtresse. Je la serai du mien. Et j'ai cru vous devoir ce mot d'avis sincère avant que d'y pourvoir. S'il part d'un sentiment qui flatte mal les vôtres, l'Élius que je vois vous en peut donner d'autres. Souffrez que je l'évite. Et que dans mon malheur, je m'ose de sa vue épargner la douleur. L'épi de ma présence est pour elle un supplice. Vous a-t-on dit, Seigneur, ce qu'a fait Massinis ? J'ai su que pour sortir d'une témérité dans une autre plus grande, il s'est précipité. Au bas de l'escalier, j'ai trouvé mes étules. Sur ce qu'a dit la reine, il est un peu crédule. Pour braver Massinis, elle a quelque raison de refuser de lui le secours du poison. Mais ce refus pourrait n'être qu'un stratagème pour faire malgré nous son destin elle-même. Allez l'en empêcher, Lépide, et dites-lui que le grand Scipion veut lui servir d'appui, que Rome, en sa faveur, voudra lui faire grâce, qu'un si prompt désespoir sentirait l'âme basse, que le temps fait souvent plus qu'on ne s'est promis, que nous ferons pour elle agir tous nos amis. Enfin, avec douceur, tâchez de la réduire à venir dans le camp, à s'y laisser conduire, à se rendre à Syphax, qui même en ce moment l'aime et l'adore encore malgré son changement. Nous attendrons ici l'effet de votre adresse. N'y perdez point de temps. Et vous, grande princesse, si des restes d'amour ont surpris un vainqueur quand il devait au vôtre et son trône et son cœur, nous vous en avons fait assez prompte justice pour obtenir de vous que ce trouble finisse et que vous fassiez grâce à ce prince inconstant qui se voulait trahir lui-même en vous quittant. Vous aurait-il prié, Seigneur, de me le dire ? De l'effort qu'il s'est fait, il gémit, il soupire. Et je crois que son cœur, encore outré d'ennui pour retourner à vous, n'est pas assez à lui. Mais si cette bonté qu'eut pour lui votre flamme était à sa raison à rentrer dans son âme, nous aurions peu de peine à rallumer des feux que n'a pas bien éteint cette erreur de ses vœux. Quand d'une telle erreur vous punissez l'audace, il vous sied mal pour lui de me demander grâce. Mais si tout inconstante il est digne de moi, il a cessé de l'être en cessant d'être roi. Ne l'est-il plus, madame? Et si la Gétulie par votre illustre hymen à son trône s'allie, si celui de Syphax s'y joint dès aujourd'hui, en est-il sur la terre un plus puissant que lui? Et de quel front, Seigneur, prend-il une couronne s'il ne peut disposer de sa propre personne? S'il lui faut pour aimer attendre votre choix et que jusqu'en son lit vous lui fassiez des lois. Un sceptre compatible avec un joug si rude n'a rien à me donner que de la servitude. Et si votre prudence ose en faire un vrai roi, il est à Sophonisbe et ne peut être à moi. Jalouse seulement de la grandeur royale, je la regarde en reine et non pas en rivale. Je vois dans son destin le mien enveloppé et du coup qu'il la perd, tout mon cœur est frappé. Par votre ordre, on la quitte et votre amie fidèle me pourrait au même ordre abandonner comme elle. Disposez de mon sceptre, il est entre vos mains. Je veux bien le porter au gré de vos Romains. Je suis femme et mon sexe accablé d'impuissance ne reçoit point d'affront par cette dépendance. Mais je n'aurai jamais à rougir d'un époux qu'on voit ainsi que moi ne régner que sous vous. Détrompez-vous, madame. Et voyez dans l'Asie nos dignes alliés régner sans jalousie avec l'indépendance. Avec l'autorité qu'exige de leur rang toute la majesté, regardez Prusias. Considérez Attal et ce que souffre en eux la dignité royale. Massinis avec vous, ou toute autre moitié, recevra même honneur et pareille amitié. Mais quant à Sophonisbe, il m'est permis de dire qu'elle est carthaginoise, et ce mot doit suffire. Je dirais qu'à la prendre ainsi, sans notre aveu, tout notre ami qu'il est, il nous bravait un peu. Mais comme je lui veux conserver notre estime, autant que je le puis, je déguise son crime et nomme seulement imprudence d'État ce que nous aurions droit de nommer attentat. Mais Lépide déjà revient de chez la reine. Qu'avez-vous obtenu de cette âme hautaine ? Elle avait trop d'orgueil pour en rien obtenir. De sa haine pour nous, elle a su se punir. Je l'avais bien prévu. Je vous l'ai dit moi-même que ce dessein de vivre était un stratagème, qu'elle voudrait mourir, mais ne pouviez-vous pas... Ma présence n'a fait que hâter son trépas. À peine elle m'a vu que d'un regard farouche, portant je ne sais quoi de sa main à sa bouche, « Parlez, m'a-t-elle dit, je suis en sûreté et recevrai votre ordre avec tranquillité. » Surpris d'un tel discours, je l'ai pourtant flatté. J'ai dit qu'en grande reine, elle serait traitée, que Scipion et vous en prendriez souci, et j'en voyais déjà son regard adouci. Quand d'un sourire amer, me coupant la parole, qu'aisément, reprend-elle, une âme se console. Je sens vers cet espoir tout mon cœur s'échapper, mais il est hors d'état de se laisser tromper. Et d'un poison ami, le secourable office vient de fermer la porte à tout votre artifice. Dites à Scipion qu'il peut, dès ce moment, chercher à son triomphe un plus rare ornement. Pour voir de deux grands rois la lâcheté punie, j'ai dû livrer leur femme à cette ignominie. C'est ce que méritait leur amour conjugal. Mais j'en ai dû sauver la fille d'Asdrubal. Leur bassesse aujourd'hui de tous deux me dégage. Et n'étant plus qu'à moi, je meurs tout à Carthage. Digne sang d'un tel père et digne de régner, si la rigueur du sort eût voulu m'épargner. À ces mots, la sueur lui montant au visage, les sanglots de sa voix saisissent le passage, une morte pâleur s'empare de son front, son orgueil s'applaudit d'un remède si prompt, de sa haine aux abois la fierté se redouble, elle meurt. À mes yeux, mais elle meurt sans trouble et soutient en mourant la pompe d'un courroux qui semble moins mourir que triompher de nous. Le dirais-je, Seigneur, je la plains et l'admire. Une telle fierté méritait un empire et j'aurais en sa place eu même aversion de me voir attachée au char de Scipion. La fortune jalouse et l'amour infidèle ne lui laissaient ici que son grand cœur pour elle. Il a pris le dessus de toute leur rigueur et son dernier soupir fait honte à ses vainqueurs. Je dirais plus, madame. En dépit de sa haine, une telle fierté devait naître romaine. Mais allons consoler un prince généreux que sa seule imprudence a rendu malheureux. Allons voir Scipion. Allons voir Massinis. Souffrez qu'en sa faveur le temps vous adoucisse et préparez votre âme à le moins dédaigner lorsque vous aurez vu comme il saura régner. En l'état où je suis, je fais ce qu'on m'ordonne. Mais ne disposez point, Seigneur, de ma personne. Et si de ce héros les désirs inconstants... Madame, encore un coup, laissons en faire autant. C'était Sophonisbe de Pierre Corneille, d'après la mise en scène de Brigitte Jacques Wajman. Avec Aurore Paris, Malvina Morisseau, Bertrand Suarez-Pazos, Pascal Bécard, Marion Lambert, Thibaut Pernoux, Marc Arnaud, Sophie Dole, Éric Jacobiac, Anthony Audou, Yacine Haït Benassi. Musique originale, Marc-Olivier Dupin. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Ludovic Auger, Jean-Richard Dufour. Assistante à la réalisation, Marion Guilaine. Réalisation, Michel Sidoroff.